Les boys côtés, Panam BX. Ok, Carnage Car, c'est nous les stars. Je manque de liquide, ouais, ouais. Pourtant je fais pisser un spliff, une camette chez l'épicier. Je sors un son épicé, le stock jamais épuisé. Des rimes, des faces par milliers. On rêve tous du million pour quitter le milieu. Marque des pères qui se dessaisit. Pour eux la vie c'est easy, nous c'est hard quand y'a pas de visite. Rap par plaisir, non par profit. L'humeur est de quoi tes coffins. S'évader à la Scofield, ramène du bon tes copines. Fais du son et toi tu copies. Tu fais le fou, on boxe sans manquer. Que des fourbis, crave au Loki. Pélec, ça vient pas toquer. 6 heures au Toki Woki. A cause de 2-3 donkeys, tu te retrouves devant l'OPJ. Pour une histoire non réfléchie, un bout de chic que du gâchis. Tu disparais comme par magie. Normal, c'est méga cagé. Sauf que l'OM ici c'est Paris. Le 300 où se font les craris. Gros vif comme Ferrari. Touche pas les grands frères arrivent. Et pour toi, c'est l'enfer à vivre. Aïe, Bix, Panam, aïe. Enfermé dans ma tête comme dans la cabine. Pas de lyrics qui tapine, t'es tapé. C'est à coup de pouvoir m'épater. J'ai pas le temps pour tes saloperies. Je veux que tes salopes crient, celles que t'endoctrines. Avec tes écrans et tes magazines, t'es ma cousine. La vraie beauté n'est pas que sur le physique matérialiste. Ils te vendent des complexes et puis des produits. Putain, tu crois briller, mais dans le fond rien. Mademoiselle se croyait belle car elle mettait du fond de teint. Ta vérité est maquillée, je préfère un mensonge dénudé mais pas dénué. De sens, aussi avec des sens. Car pour le moment elle descend, de ton nuage maintenant descend. On te laisse que descendre, pourtant t'as promis la gloire. Tu voulais jouer à Lady, tu n'es devenu que Gaga. Ce rôle ne te va pas, tu fais la clown sur le trottoir. Pour pas dire plus, ton maquillage prouve que tu ne t'aimes pas. Mais ce n'est pas ta faute, et t'as ta télé, casse ton miroir, pute. Ya ya, ouais, les boys côté cousin, V-I-N-Z, 1. On nous traite de fous, donc c'est sur vos pare-brise qu'on se défoule. Certes, on se défonce, ouais, sourcils froncés. Traîne là avec une botte défrontée, les dés sont jetés. Monotère, la street, c'est saison monotone. Je me tape des monologues, va faille jouer avec les mots, la langue. Crache un mot l'ardent, leur morale, moi et mon équipe ardente. Les mots ensanglantés dans la rune, c'est sans rime, sans arbitre, pas côté. Loin d'être fréquenté, le vent de vide comme l'Antarctique. Les prods, j'en tape 10 par jour, donc le hip-hop se pratique. Comme un hold up chez le patch, il violence sur la basse, c'est le cheat. Pour toute origine ethnique, l'on string sous résine de shit. Ce sont des sous-sols, on s'essouffle pour les sous-sales, c'est le sous. Ça se sous les smokes, paraître sous le cellophane. A rien faire, on s'éloigne des femmes. Je sais que j'ai très peu de fans, j'ai pas attendre que la fleur soit fanée. Pour en bouffer les racines, j'ai des principes anti-racistes. Toute leur politique me bassine. C'est dans le passé ce qu'on fait, notre vision du monde sur du classique. Comme t'as beaucoup trop de choses à dire, mais je sais pas par où commencer. D'abord ce monde m'inspire, les mecs, je dois garder la cadence. Ouais, toujours aussi pensif, persuasif depuis la lancée. J'écris, je maigris, j'ai que mes rimes. Faut qu'on pas danser, avancer. J'essaye, mais je tourne en rond. Comme ce poisson dans son bocal coincé. Tout sort de poison, passe au local sans me faire pincer. Enfin soit de passons, pas de baston sans manque de respect. La fin du monde j'affronte les deux yeux fixés sur internet. Comme d'hab le même combat, on se bat, on se graille pour des grammes et du fric sans intérêt. En y repensant, indépendance et de cause nous condamne. Voici la terre-mère, maître de sale FSR. Tant d'ev, j'ai l'impression que seul je me répète. Ouais mais c'est pas grave, comme mon pote Oscar dans mes écrits. Je dénonce des tas de crasses en net, faire ma tactique, chercher un plan comme Dexter. Tous les soirs je me démène de cette arme, m'appelle pas l'expert. S.A.M. les boys écoutés. J'évite les délires lèches, descends de la piste sans luge. Le piège comme refuge devant la foule qui s'enlise. Tant mieux si tu te sens libre, moi je te le dis t'es de la baisse. J'suis de ceux qui s'ennuient, c'est fréquent que le mal m'apaise. Sous le matelas pas de baisse, ma feuille colle matelas brèche. Et que ça presse, mais rare que j'abrèche mes maladresses. Faut passer l'âge bête, Veski, tis et collage. Bref, marque les porcages, la fête, casse la tienne. J'brave la verse, y'a que la verte. Et les miens conscients de mes tourments, on se débat, t'entends, braver ce qui attend autour dans la prise à tourner. On prend plus rien de nos journées, on préfère s'embourber. Sans bouger, ce qu'on fait, c'est contourner le droit chemin. Bien qu'on sache, on agit lâchement. Fini Dragon Ball, c'est Little Flash en guise de calme. Je décale mal quand je parle plus ou que je suis sans garrot. Y'a pas de macaron ni de cendrillon, pour les miens, juste l'état qui arrose. Hey, S.A.M. 1.